Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet-Dupré 1861. Question 38. Des remèdes de la tristesse ou de la douleur. La douleur trouve un adoucissement dans toute délectation, dans les larmes, dans la compassion des amis, dans la contemplation, dans le sommeil et les bains. 1. La douleur ou la tristesse est-elle adoucie par une délectation quelconque? Le plaisir, quel qu'il soit, a dit Aristote, bannit la tristesse, quand il est très vif. Cela est vrai, puisque la délectation est le repos de l'âme dans un bien qui convient, tandis que la tristesse a pour cause ce qui répugne. On peut dire que toute délectation est à la tristesse ce que le repos du corps est à la fatigue. Saint Augustin nous raconte, dans ses confessions, que, quand il eut été ramené peu à peu à ses anciennes habitudes de plaisir, la douleur qu'il ressentait de la mort de son ami céda à la joie qui renaissait dans son cœur. Note. Nous sommes si avides de bonheur et nous en sommes si pauvres, que la plus légère satisfaction nous ravit et nous fait oublier nos douleurs. Conferbe Luino, tome 2, Joie, page 133. 2. La douleur ou la tristesse est-elle adoucie par les larmes? Saint Augustin lui-même conseille les larmes et les gémissements comme un adoucissement à la douleur et un remède à la tristesse. Quand je pleurais la mort de mon ami, dit-il, je ne trouvais un peu de repos que dans les gémissements et dans les larmes. Le mal qu'on renferme au-dedans de soi afflige davantage, en concentrant la tension de l'esprit. Se répand-il au dehors, la tension se disperse et la douleur diminue peu à peu. Voilà pourquoi les affligés sentent leur tristesse s'adoucir et se calmer, quand il la manifeste extérieurement par des larmes, par des gémissements ou par la parole. Une autre raison, c'est que les actes qui conviennent aux dispositions de l'âme donnent de la joie. Toute délectation, adoucissant la douleur, les gémissements et les larmes qui conviennent à l'affligé, lui apportent un soulagement. 3. La douleur ou la tristesse est-elle adoucie par la compassion des amis? Dans la tristesse, dit très bien le philosophe, un ami compatissant est une consolation. Cela se conçoit. La tristesse est une sorte de poids qui appesantit l'âme et que nous nous efforçons d'alléger. Aussitôt que nous voyons nos amis compatir à celle qui nous oppresse, il nous semble que, partageant avec nous ce fardeau, ils en diminuent la pesanteur. D'un autre côté, en s'attristant de nos peines, ils montrent qu'ils nous aiment, et c'est pour nous un témoignage qui contribue à nous consoler. Tout plaisir est un soulagement dans la tristesse. 4. La douleur ou la tristesse est-elle adoucie par la contemplation de la vérité? Pour adoucir la douleur, la contemplation de la vérité est d'un grand secours. Il me paraissait, dit le grand docteur cité plus haut, que si l'éclat de la vérité se découvrait à mon esprit, je n'éprouverais plus la même douleur, ou que, du moins, je la compterais pour rien. Nous avons vu que la contemplation de la vérité donne lieu aux plus grandes jouissances. Comme toute délectation adoucit la douleur, il faut bien que la contemplation ait cet avantage, son effet est d'autant plus sensible que l'on n'a plus d'amour pour la sagesse. La méditation des perfections divines et du bonheur de la céleste patrie peut rendre douces les plus grandes tribulations, comme on le voit par ces paroles de Saint Jacques, « Mes frères, considérez vos afflictions comme le sujet d'une grande joie. » Épître 1, 2. Il y a plus, la contemplation de la suprême vérité fait trouver des charmes et des délices au milieu même des supplices les plus horribles. Le martyr Tiburce, marchant pieds nus sur des charbons ardents, ne disait-il pas à ses bourreaux, « Il me semble que je marche, au nom de Jésus-Christ, sur des fleurs et des roses ?» 5. La douleur ou la tristesse est-elle adoucie par le sommeil et les bains? Le rétablissement du mouvement vital qui s'opère par ces deux moyens replace le corps dans son état normal, de là un plaisir, tout plaisir modérant la tristesse, ces remèdes corporels apportent du soulagement aux âmes affligées. Saint Augustin, parlant de la douleur qu'il ressentit à la mort de sa sainte mère, s'exprime ainsi, « Je pris un bain, ayant entendu dire que les bains tirent leur nom de la propriété qu'ils ont de bannir le chagrin. Puis il ajoute, « Je m'endormis, et, à mon réveil, je trouvais que ma douleur était moins violente. » Il cite, à cette occasion, ces paroles d'une hymne de saint Ambroise, « Dans les douceurs du sommeil, nos membres fatigués reprennent leur vigueur, notre âme abattue se relève, et nos chagrins s'évanouissent. » Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.